Chapitre 8. Jean vieillissait. Depuis 10 ans, il habitait le Billot. Il lisait de moins en moins, mais toujours marchait dans les bois. Il allait peu à la ville, où, par dérision, ses anciens camarades d'école l'abordaient en criant « Ohé, l'artiste !» Ils avaient raison, ces crétins, et pouvaient se moquer de lui, ma foi. Mais à tout bien prendre, il vivait, au moins, n'ayant pas le cerveau troublé par leurs préoccupations, de la pièce de 100 sous, accoulée dans le bas de laine. Ses pensées le consolaient de leur raillerie. Et l'oncle Régalard, toujours plus solide et plus vert, dirigeait les travaux de la ferme, en gentilhomme campagnard, fier de la situation qu'il avait acquise dans la contrée, où tout le monde le respectait et l'aimait. « Dis donc, l'héritier, ça ne durera pas toujours comme ça, » dit un soir l'oncle à son neveu. « J'approche de 70 ans, à rien du tout, et ce sera fini. Je veux te faire ma recommandation. Tu sais ce que je t'ai toujours promis. Tout ce que j'ai te reviendra. Mais je compte bien que si tu retournes à Paris, tu ne laisseras pas ta mère toute seule avec ses malheureux 1000 francs de rente, et que tu la garderas avec toi. « Mais mon oncle, » reprit Jean troublé, « pourquoi me parlez-vous de ça? Nous avons bien le temps. » »« On ne sait jamais. J'aurais dû prendre mes précautions depuis longtemps. Je ferai demain mon testament. » Un matin, en rentrant dans la chambre de son oncle, Jean trouva le vieillard roide dans son lit. Il était mort subitement d'un transport au cerveau. Jean héritait.